Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, quatrième traité, deuxième paragraphe, Marie, propagatrice et protectrice de la foi. La venue du Fils de Dieu eût été d'un faible avantage pour l'univers, si elle était restée inconnue aux hommes, qui, demeurant plongés dans leur aveuglement, n'en eussent pas reçu la guérison de leur plaie. Le Père Céleste nous l'a proposé, non seulement en qualité de Rédempteur, mais aussi comme notre Docteur, comme notre Chef, il faut donc avoir les yeux fixés sur lui. De même que le serpent élevé dans le désert ne rendait la santé qu'à celui qui le regardait, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé à nos regards, Jean 3, 14, et si nous ne le contemplons avec les yeux de la foi, nous ne serons pas guéris. C'est pourquoi Marie, qui, après Jésus-Christ, est celle qui a le plus coopéré à notre salut, non contente de l'avoir mis au monde pour nous, s'efforça toujours, et s'efforce encore maintenant de le faire connaître, d'étendre la foi, de la conserver pure et sans tache, malgré les attaques perpétuelles de l'hérésie, du schisme, et de l'infidélité. Dès le commencement de l'Église, elle se chargea d'enseigner la foi, en révélant les mystères aux apôtres et aux autres disciples, spécialement aux évangélistes, par lesquels ils nous ont été ensuite manifestés, et certainement Marie instruisit Saint Luc touchant le mystère de l'incarnation, celui de l'annonciation, celui de la nativité de Jésus, toute vérité qu'on aurait pu apprendre naturellement par une autre voie. Il est dit dans le même évangéliste que Marie conservait dans son esprit le souvenir des prodiges que Dieu a opérés, qu'elle en faisait le sujet de ses méditations, Luc 2, 19, il est certain qu'elle ne faisait pas cela pour elle seule, mais encore pour nous, si nous en croyons ces paroles de l'ecclésiastique qui semble évidemment devoir être placée dans la bouche de Marie, considérez que je n'ai pas travaillé pour moi seulement, mais pour tous ceux qui cherchent la vérité, Ecclésiastique 24, 47, pour tous ceux qui cherchent Jésus-Christ, qui est la vérité même, Jean 14, 6. Marie instruisit les apôtres, et il est à croire qu'elle instruisit surtout le disciple bien-aimé, Saint Jean, qui lui avait été laissé à la place de Jésus. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner, dit Saint Ambroise, que Saint Jean approfondisse davantage qu'aucun autre évangéliste les sublimes mystères de la Sainte Trinité et de la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a pas lieu de s'étonner, parce que Saint Jean avait avec lui Marie, le sanctuaire de l'adorable Trinité et des secrets divins. Il était nécessaire, dit l'abbé Rupert, Rupertus Suetiens 6, Livre 1er Commentaria in Canticum Canticorum, que vous fussiez, ô Marie, la maîtresse des maîtres même de l'Église, c'est-à-dire des apôtres, puisque c'était à vous à vérifier ces paroles des sacrés cantiques. Je suis la fontaine des jardins et le puits des eaux vives qui coulent avec impétuosité du Liban, Confer Cornelius à Lapide chapitre 8, Proverbe 12. Marie ayant appris de Dieu même que des hérésies s'élèveraient en foule pour jeter le trouble au sein de l'Église, voulut y pourvoir en lui laissant les instructions dont elle avait besoin pour les éteindre aussitôt. Elle ne manqua pas de manifester aux apôtres les divins mystères dont elle avait reçu la connaissance, afin que ceux-ci, comme autant de canaux, les transmissent à la postérité. Elle n'a pu cesser d'exercer cet office en se séparant corporellement de nous. Dans tous les temps, dans tous les siècles, elle continua d'instruire les pasteurs du troupeau sacré. C'est à son école que reçut les plus sublimes leçons un saint Grégoire le Thaumaturge, cet illustre évêque de Néo-Césarée à qui elle apparut avec saint Jean l'Évangéliste, lui présentant un symbole de foi touchant le mystère de l'Auguste Trinité, afin qu'au moyen de cette foi divine il prémunît d'avance son diocèse contre l'hérésie empoisonnée d'Arius, qui injurait les vrais et blasphème avec audace contre la divinité même de Jésus-Christ, ibidem, c'est de Marie qu'un saint Cyril, patriarche d'Alexandrie, reçut les lumières et la force pour combattre et détruire l'hérésie naissante de l'impie Nestorius, qui le premier osa, dans son orgueil, élever la voix contre la maternité divine. Ce fut elle qui suscita un saint Jean Damascène, pour combattre l'hérésie des iconoclastes. Ce fut elle qui suscita son bien-aimé serviteur, saint Dominique, le patriarche de l'ordre des frères prêcheurs, pour combattre les albigeois. Ce fut elle qui suscita un saint Ignace, lequel, et par lui-même, et surtout au moyen de l'armée puissante de ses nombreux et illustres enfants, a confondu les dernières hérésies qui sont venues troubler la tranquillité de l'Église. Elle a toujours assisté, comme on le voit, et elle assiste encore, et elle assistera jusqu'à la fin du monde ces invincibles athlètes, qui consacrent avec tant de gloire leur génie et leur sueur, ou bien à défendre, par la plume, les dogmes sacrés de notre foi, ou bien à la soutenir, par leurs travaux apostoliques, dans les pays où elle semble chanceler, ou bien à la propager avec succès dans les régions où jamais auparavant n'avait retenti le nom chrétien. Nous ne devons donc pas être surpris du magnifique éloge que l'Église catholique fait de Marie, en la saluant par ses paroles, « Réjouissez-vous, ô Vierge Marie, vous avez seule porté le coup mortel à toutes les hérésies qui ont paru dans le monde entier. C'est elle, oui, c'est Marie qui a écrasé toute la perversité de l'hérésie, saint Bernard in Octave de l'Assomption, numéro 4. Ô puissante Vierge, colonne inébranlable de l'Église catholique, c'est vous, oui. C'est vous qui avez écrasé la tête du dragon infernal, du premier persécuteur des fidèles, c'est vous qui avez encore foulé aux pieds les fronts superbes de tous les hérétiques, selon ce qui est écrit, que dans la cité bien-aimée j'ai trouvé mon repos. Ecclésiastique 24, 11. Vous avez en tout temps défendu la foi catholique, propagé le nom chrétien. Recevez-en toute la gloire après Dieu, que toutes les générations vous louent et vous bénissent. Souvenez-vous cependant, ô puissante Vierge, que la lutte n'est pas terminée. Vous savez quels ennemis nombreux s'acharnent, même de nos jours, contre la véritable croyance. Maintenant, peut-être plus que jamais, s'arme la rage des hommes et des démons pour combattre le troupeau de Jésus-Christ. Et maintenant aussi plus que jamais vous devez prendre vaillamment notre défense. Armez-vous donc du bouclier et de la lance, renversez, déracinez toutes les erreurs, soutenez la barque chancelante de Pierre, étendez le royaume de votre divin Fils. Faites qu'il n'y ait pas un coin sur la terre qui ne soit soumis à ses lois. Faites sentir la force de votre bras de l'un à l'autre pôle, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, que nul ne puisse se dérober à l'ardeur de votre zèle. Amen. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.